Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant évidemment, on est revenu sur hier sur le plus long match de l'histoire des Saguenay de Chicoutimi, un match de samedi dernier qui s'est soldé en quatrième période de prolongation. Sur les ondes de CKAG avec Michel Tifo et Dominique Bolduc, Yannick Jean est revenu là-dessus sur ce match. Il dit quand même qu'il est fier du rendement de ses joueurs. Oui, extrêmement content de la manière qu'on s'est comporté. La résilience démontrée par tout le monde. Pour une première expérience en séries, pour beaucoup de joueurs, c'en était toute une. Puis ils ont quand même là, très bien réagi là, compte tenu des circonstances. Même s'il n'était pas un joueur, Yannick Jean était très excité de ce match. Sûrement, je te dirais. Même nous, les entraîneurs, on n'a pas joué, puis on était exténués à la fin de ce match-là. C'est rare qu'on voit ça. J'ose imaginer comment que les joueurs, eux, pouvaient sentir là, de leur côté. La question que je me pose... Dans le dernier temps, Yannick Jean mentionne qu'il reste quand même... il reste autant d'essence en réservoir que le Cyanique de Rimouski. C'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qu'on se dit. Regardez, c'est égal les deux équipes. On a le même nombre de minutes de jouer. On n'a pas joué tout seul pendant un nombre de certaines périodes, année jusqu'à maintenant. Les deux équipes étaient sur la glace. Maintenant, renversons la vapeur. Maintenant, on va parler de curling. Évidemment, c'était le Fisherman en fin de semaine au centre civique du secteur de Dolbeau. C'était quand même, c'est un des tournois les plus âgés dans le secteur, et évidemment, et même dans la région. Donc, on va vous donner quelques résultats maintenant dans les différentes catégories. D'abord, faites à noter que l'équipe gagnante en classe A, c'est l'équipe de Kenogami, Robert Val, fait de Jesse Mullen, Alexandre Ferland, Danny Privé et Michel Bergeron. En classe, maintenant, on va y aller du côté de la classe, du côté de la classe B maintenant. Faites à noter que du côté de la classe B, c'est Jacques Taillon, Jean Lamotte, Fernand Rondeau et Yves Lamotte. Et en classe C, la formation de Emilia Gagné, Joël Gagné, Mélina Perron et Chloé Saint-Arnaud. Le prix Roland Dubé, on sait que M. Roland Dubé est une personne qui a joué pendant plusieurs années au Fisherman, M. Roland Dubé qui est décédé il y a quelques années. Le prix Roland Dubé a été remis à Mme Isabelle Néron de Chicoutimi. On va y aller maintenant avec, il y avait un tournoi de quai qui s'est fait récemment, ça s'est fait à Normandin, et c'était le tournoi Fred Caillou, ce qu'on appelle, donc le plus haut simple féminin a été l'œuvre de Brigitte Maillot, Monique Boivin et Nicole Boutin. Le tournoi Fred Caillou également du côté du plus haut simple masculin, ça a été Michel Potvin, Jonathan Fortin et Jasmin Bouchard. Et maintenant, l'équipe gagnante, c'est en première position, c'est la formation de Claude Mathieu et Danny Mathieu. Deuxième position, Gérald Goulet et Blandine Nadeau. Et en troisième position, c'est Jonathan Fortin et Anne-Sophie Landry. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs intervenants dans le monde du sport. Également, vous pouvez écouter l'entrevue que Michel Tifo a réalisée avec Yannick Jean. On a également parlé avec le cycliste de Saint-Félicien, Victor Véraud. Sport local et régional, à danradiosport.com, à son équipe.